j'te passe à lit. Si on se parle plus, c'est que tu pars mon sang, pas mon ami. C'est mieux comme ça, chacun chacun sa vie. Mon cœur une arme, je leur ai donné, mais non ça me vise. Veulent me freiner, c'est pas bueno. C'est pas moi le capitaine sur les trous francs et les pénaux. Ils rappellent la vérité, ils me font les mecs la cité. Ces hypocrites, ils m'appellent que par nécessité. C'est pour les vraies femmes, celles qui trompent pas leurs mecs. Je vois passer ma amie, va falloir que je fasse un break. Avec bébé en charge, j'mets la potion dans la Mont Blanc. Deux, trois moments et je vois que je l'aime toujours autant. C'est toi qui es en top, mon petit parti, choisis mon camp. Le frérot il a bon, faut pas le traître ni quoi son plan. Avec bébé en charge, j'mets la potion dans la Mont Blanc. Deux, trois moments et je vois que je l'aime toujours autant. C'est toi qui es en top, mon petit parti, choisis mon camp. Le frérot il a bon, faut pas le traître ni quoi son plan. Anti-violeur. On s'éloignait, tu m'as pas sali, serre-moi la main. Ça prouve qu'il reste des vrais hommes, des vrais vaillants, des vrais humains. Et faut faire gaffe de qui tu t'entoures. Ils font les mecs contents pour toi, mais pour que tu coules, ils sont pour. Pourquoi ils pissent travers? Il veut que je suive son père. Toi c'est bien beau, tu fais la malade. Le poteau, il veut que tu rentres son verre. Incroyable ce qu'on vit, alors je t'explique ce qu'on boit. Je pète un gros fumigène. Chinois, j'parle marseillais. La team du number one. Prochain album, faudra réessayer. J'suis pas orgueilleux, laisse-les croire que j'suis effrayé. J'fais pas le gangster, regarde tu vois qu'ils ont rayé. J'manque pas mon bijou, les gens les hits.